troisième temps sur d'une série sur l'histoire des femmes dans les univers de l'art et de l'écriture. Ce matin, femme écrivaine, dramaturge et autrice. Après avoir évoqué lundi l'histoire des musiciennes et des compositrices, mardi celle des peintresses et des sculptrices, et avant demain d'écouter le documentaire sur la chanteuse d'après-guerre qu'était Renée Levat, très connue dans les années 50 et les années 60, mais également très grande productrice de musique, nous allons ce matin nous intéresser à celle qui, à l'instar de Madame de Lafayette ou de George Sand, ont écrit des pièces, des romans, des poésies, et qui malheureusement n'ont été redécouvertes que très tardivement, alors qu'elles furent célèbres en leur temps. Nous le ferons en compagnie de Corinne François Deneuve, elle est maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne, spécialiste des dramaturges suédoises du 19e siècle et directrice de la compagnie théâtrale Benoît Lepec, qui fait d'ailleurs des lectures de ses autrices. Christine Plantet sera également avec nous, elle est critique et historienne de la littérature, elle a enseigné la littérature et les études sur le genre jusqu'à il y a peu à Lyon et à Lyon 2, et son livre pionnier s'intitulait La petite sœur de Balzac, il est ressorti en 2015. Elle publie également la correspondance de Marceline Desbordes-Valmore chez Garnier. Elle est également l'éditrice de textes de George Sand et elle a édité Le chantier littéraire de Monique Wittig. On en parlera avec elle. Aurore Evin est également avec nous. Elle est metteuse en scène, autrice et historienne du théâtre. Son livre « L'apparition des actrices professionnelles en Europe » a été publié aux éditions de l'Harmattan. Elle dirige actuellement une anthologie du théâtre de l'Ancien Régime, du théâtre de femmes de l'Ancien Régime, en 5 volumes chez Garnier. Elle est metteuse en scène du « Favori de Madame de Villedieu », une pièce de 1765 qui sera jouée à partir du 9 mai au théâtre de l'Épée de Bois à Paris, à Vincennes. Elle est historienne également du mot « autrice » et son histoire du mot « autrice » sera rééditée en mars aux éditions X. Dans un parcours au mérite, on doit tenir compte, me semble-t-il, du fait que s'il y a deux candidats, il y en a un qui a fait 15 ans au service du bénévolat de l'association et l'autre qui n'a rien fait, on ne le critique pas. Mais ça doit donner des points de plus à celui qui a fait du bénévolat pour les autres. Quand même, je veux dire en termes de richesse humaine, d'engagement au service des autres, pourquoi on n'en tiendrait pas compte? Ça vaut autant que de savoir par cœur la princesse de Clèves. Enfin, j'ai rien contre. Enfin, parce que j'avais beaucoup souffert sur elle. Bonjour Christine Plantet, merci d'être avec nous. Ce petit extrait de Nicolas Sarkozy, on l'a reconnu, il ne savait pas qu'il allait provoquer une tempête aussi considérable et faire redécouvrir tout compte fait par cette phrase la princesse de Clèves et Madame de Lafayette, et disons représentative cette petite phrase d'une vision peut-être d'un type de littérature qui a été considérablement minoré, voire oublié par l'histoire littéraire depuis au moins le 19e siècle. Et c'est ce dont vous êtes spécialiste vous-même, Christine Plantet. Oui, on doit peut-être des remerciements à Nicolas Sarkozy parce qu'il a provoqué une large redécouverte dans des circonstances nouvelles de ce texte. C'est néanmoins un petit peu consternant. Ce qui est compliqué pour réagir à ce qu'on vient d'entendre, c'est que s'y croise un enjeu relatif à la place des femmes, à la vision qu'on a de leurs écrits, et un enjeu relatif à la vision de la littérature. Je crois que, simplement, il est très significatif que pour dire tout le mépris ou le manque d'intérêt qu'il a pour la chose, le président Sarkozy ait choisi un texte de femme et qui ait pour titre le nom d'une femme et de l'héroïne, la princesse de Clèves. En même temps, c'est un exemple un petit peu limite par rapport aux questions que vous évoquez, dans la mesure où c'est un texte qui est malgré tout entré dans le canon, puisque Absolument. On considère qu'avec ce roman naît le roman psychologique français, donc on reconnaît une véritable place à Madame de Lafayette. Éventuellement, on discute, on met en cause le fait qu'elle ait écrit absolument seule ce roman, mais enfin, ce roman a existé, il a été enseigné, il a été admiré. Un certain nombre de lycéens et lycéennes, dont Nicolas Sarkozy, ont apparemment souffert à devoir le lire au milieu d'autres programmes. Donc, ce n'est pas un exemple de non-reconnaissance, c'est plutôt un exemple des hostilités que peuvent déclencher les femmes lorsque on les admet dans une culture qui est aussi une culture commune et partagée. Il y a maintenant un peu moins de 30 ans, vous écriviez cette petite sœur de Balzac, un essai sur la femme auteure qui, avec d'autres personnes de la même génération, Christine Planté, était une prise de position dans l'espace public sur justement la reconnaissance de ces femmes auteurs des siècles passés. Vous êtes historienne de la littérature et du genre et vous avez donc participé à cette émergence, pourrait-on dire, de certaines figures qui étaient totalement oubliées. On peut citer, et vous en parlez dans votre postface lors de la réédition en 2015 de ce texte aux presses universitaires de Lyon, on peut citer des gens que vous avez vous-même redécouvertes après, des autrices que vous avez redécouvertes après, comme Madame de Duras, après votre essai de 1989, c'est ça ? Donc, il y a des redécouvertes successives, des couches qu'il faut lever pour pouvoir, comme dans l'archéologie, découvrir des écrivaines qui ont disparu de notre mémoire et que l'on va rechercher à la Bibliothèque nationale de France. Absolument. L'histoire littéraire de façon générale, l'histoire, vous le savez bien, mais particulièrement lorsqu'il s'agit des femmes, comporte des trous, des ruptures, des amnésies. Et lorsque j'ai écrit ce livre, c'était non seulement pour faire reconnaître des femmes oubliées, mais en réaction à des interrogations contemporaines de l'époque, notamment autour de l'écriture féminine, grand débat qui a beaucoup occupé non seulement le monde de la littérature, mais le monde de la culture à la fin du XXe siècle, et qui était souvent donné comme quelque chose d'absolument nouveau. Alors, de même que dans le féminisme, on parlait de femmes année zéro, comme s'il n'y avait rien eu auparavant. Alors, tout en étant interpellée, et de façon très critique, par cette idée d'écriture féminine, il me semblait qu'il y avait un passé et une histoire trop peu connues, et ce livre, c'était finalement un effort pour trouver des passages entre le passé et le présent, et peut-être aussi dire la méfiance que m'a toujours inspirée la catégorisation des femmes à part du côté de l'écriture féminine ou des écrits de femmes. Des femmes ont toujours créé, écrit, elles existent dans la culture, elles existent dans notre histoire, une histoire littéraire tout simplement exacte doit leur faire place. Tant qu'on n'évoque pas la part des femmes dans le passé, on raconte une histoire qui est incomplète et qui est fausse. Et donc cette incomplétude, cette fausseté, elle est due en partie à la création d'une histoire littéraire qui a classé dans la hiérarchie littéraire du passé tel ou tel grand auteur, oublié tel ou tel autre, pensait qu'il y avait des auteurs mineurs, et parmi ces auteurs mineurs, beaucoup d'auteurs étaient des écrivaines, justement. Oui, l'histoire littéraire joue un rôle considérable, et cela, j'ai mis du temps à le comprendre, ce n'était pas dit de façon aussi claire et aussi nette dans la première édition de La Petite Sœur de Balzac, parce que pendant longtemps on s'est dit, bien sûr, les femmes n'ont pas beaucoup écrit. Alors, il y a une grande explication de type misogyne qui dit bah les femmes n'ont pas beaucoup écrit parce qu'elles ne sont pas faites pour ça, elles doivent faire des enfants, parce qu'elles sont trop bêtes, elles ne sont pas très douées, elles ont d'autres qualités. Bien. Et on combattait cette vision misogyne traditionnelle en disant les femmes n'ont pas beaucoup écrit parce que les pauvres, elles n'avaient pas accès à la littérature, à la culture, on les en empêchait, on les réprimait. Et ce récit est un récit dominant et d'une certaine façon bienveillant, mais inexact et extrêmement limitatif. Et peu à peu, en travaillant sur le passé, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes qui avaient écrit dans le passé, qui avaient écrit des œuvres appréciées de leurs contemporaines et de leurs contemporains, qui avaient une véritable autorité, qui avaient bénéficié d'une reconnaissance de leur temps et qui ensuite disparaissaient des mémoires et du récit littéraire et culturel qu'on transmet de génération en génération. Alors, la petite sœur de Balzac est portée en somme par cette découverte. Elles sont là. Pourquoi ne le sait-on pas? Pourquoi faut-il les redécouvrir à chaque génération? Et en effet, l'histoire littéraire telle qu'elle s'invente et elle s'écrit au XIXe siècle... C'est ce que vous appelez le genre des genres littéraires. Alors, c'est le genre des genres littéraires, en effet, parce que pratiquement toutes les catégories que l'on utilise lorsqu'on raconte l'histoire de la littérature, que ce soit le nom des mouvements, les dates repères qu'on choisit, la délimitation des genres, comporte une représentation du masculin et du féminin. Mais ça n'est pas forcément dit comme tel. Alors, le grand paradoxe en France pour le 19e siècle, c'est que tout de même, une des grandes inventrices de la littérature, de l'idée moderne de littérature, c'est Madame de Staël, qui ouvre, et avec quelle autorité intellectuelle, le 19e siècle, et qui cependant est extraordinairement minorée dans les récits qui vont suivre. Dans un corps vide entrait mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin ou Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît, Juliette Drouet, la signore, ou la grande Billy idée. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan, pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux méthodes psychoses, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Est toujours aussi formidable Juliette dans ses rimes féminines dans notre débat donc du mercredi consacré à la question des femmes écrivaines, des femmes autrices, parce qu'il faut effectivement, et on le sait constamment, il faut des personnages de modèles pour pouvoir imaginer que l'on puisse devenir soi-même écrivaine, par exemple Aurore Evin, et il est utile de remonter dans le temps pour pouvoir savoir que d'autres avant vous se sont mis à la plume avant d'être vous-même devant un ordinateur. Ça fait partie aussi de la prise de conscience de la nécessité d'avoir une généalogie. Oui, tout à fait. C'est vraiment une question de légitimité. Quand on se met à écrire, et quand une femme veut faire profession d'écrire, elle arrive quand même avec une histoire complètement différente des hommes, puisque on a dénié la capacité d'écrire aux femmes pendant des siècles. Donc, on n'arrive pas avec la même histoire, on arrive avec beaucoup d'empêchements. Et donc, la question de la généalogie littéraire, de la filiation, de ce que j'appelle aussi ce matrimoine, hein, cette histoire des femmes est très importante pour pouvoir se sentir légitime d'écrire et de créer. Alors, j'ai dit plusieurs fois depuis le début de la semaine le terme d'autrice. On me l'a parfois reproché, on m'a dit mais ça n'existe pas dans le dictionnaire. Vous êtes spécialiste de cette question après avoir travaillé sur les actrices, puisque vous êtes également dramaturge, metteuse en scène. Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il y avait un féminin à acteur et il n'y en avait pas à auteur. Et vous avez découvert, Aurore Evin, qu'il y avait un féminin à auteur. Oui, tout à fait. En fait, je ne m'étais même pas posé la question. J'imaginais même pas qu'il y ait pu avoir un féminin à auteur, en fait. J'ai travaillé sur les actrices. Je ne savais même pas, j'imagine même pas qu'il y ait pu avoir des femmes qui aient écrit du théâtre avant Marguerite Duras. Peut-être je le savais pour George Sand, mais à l'époque, je ne suis même pas sûre. Et c'est en travaillant sur les actrices que j'ai découvert, sur les premières actrices, donc 16e, 17e. On oublie qu'avant, c'était aussi des femmes de lettres, des femmes lettrées, finalement, parce qu'elles savaient lire et écrire, et certaines avaient écrit du théâtre. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait eu des femmes qui avaient écrit du théâtre. Donc, je les appelais des femmes dramaturges, des femmes auteurs, des auteurs femmes. Enfin, j'avais beaucoup de mal avec, justement, l'appellation. Et en allant dans les archives de la Comédie française du 17e siècle, les registres de contes de Lagrange, le comédien de Molière, je découvre ce petit mot autrice, donc part d'autrice au lieu de part d'auteur. Et là, je me dis, ah, mais c'est le mot qu'il me faut, c'est le mot que je cherche, justement. Et je commence, et je le retrouve dans l'usage, dans des périodiques, etc. Et du coup, je commence à faire défiler l'histoire de ce mot, et je découvre que ce mot existe depuis l'Antiquité et que depuis l'Antiquité on lui fait la guerre. Voilà. Auctrix, donc Auctrix. En latin, mais évidemment il a d'autres sens, il est plutôt dans un sens de génération, pourrait-on dire, c'est l'invention d'un monde parfois, ça peut être une déesse qui est une auctrice, etc. Mais au fur et à mesure du temps, c'est ce que vous découvrez, de temps en temps, il réapparaît comme étant avec un sens qu'on pourrait lui accorder aujourd'hui, c'est-à-dire auteur d'un texte au féminin. Oui, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, dès l'Antiquité, on essaye de circonscrire le sens d'autrice, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà un grammairien en latin qui nous explique que auctrix, quand il dérive du verbe augere, donc augmenter, accroître, etc., on peut l'utiliser au féminin, mais qu'on ne peut pas l'utiliser au féminin quand il est au sens de auctoritas, c'est-à-dire source, origine, etc., et là, il faut recourir au latin. Donc tout est dit finalement. Hein. Et Isidore de Séville au 7e siècle fera la même chose. Exactement. Voilà, ça va être repris comme ça. Donc on va dire, voilà, quand on est assistante, on peut se dire autrice, mais quand on est origine, source, non, on doit se dire auteur en parlant d'une femme. Sauf que bon, s'ils ont eu besoin de faire cette règle, c'est peut-être sans doute qu'il y avait des femmes déjà qui se disaient autrice au sens d'origine de créatrice. Et les premiers, et voilà. Et effectivement, quand les premières écrivaines professionnelles, enfin qui commencent à gagner leur vie avec la profession d'écrivain, notamment, on a Marie de Romieux au XVIe siècle. 1581, voilà. Avec son bref discours que l'excellence de la femme surpasse celle de l'homme. Exactement. Qui nous fait toujours très mal quand on est un homme, en l'occurrence. Mais voilà. Et Marie de Gournay, juste après, vont utiliser le mot autrice et vont être appelées autrices. Et les autres, les femmes dramaturges, les autrices de théâtre du XVIIe, Madame de Villedieu, Catherine Bernard, vont être nommées autrices. Avec une querelle avec Guès de Balzac pour Marie de Gournay, donc, puisque l'un et l'autre vont tenter d'imposer leurs normes, et c'est finalement Guès de Balzac qui va y réussir. Je crois que Marie de Gournay, vous dites dans un article qu'elle avait tenté, par exemple, de réimposer le terme de tyranne pour parler de tyran au féminin. Et évidemment, Guès de Balzac va le refuser, et dans les générations suivantes, c'est lui qui va être pris comme modèle, justement, sur cette féminisation ou cette redécouverte du terme d'autrice, par exemple. Mais oui, parce que c'est toute l'Académie française qui se constitue là au XVIIe siècle, et effectivement, Guès de Balzac va reprendre Maurus Servius Honoratus et va commencer à expliquer qu'on ne doit pas utiliser le mot autrice. Il accepte mettre le mot traductrice, hein, ça il y a pas de problème, mais pas le mot autrice. Et les premiers dictionnaires de français vont être constitués, et il n'y aura pas le mot autrice, alors qu'il faisait partie des lexiques latins français jusqu'à présent, et le mot actrice qui lui n'existait pas, lui fait aussitôt son apparition, mais au sens vraiment restreint de comédienne. Donc on a vraiment le croisement de ces deux mots. Et d'ailleurs, quand Rétif de la Bretonne et Louis-Sébastien Mercier, à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, tentent de réimposer ce terme d'autrice, vous dites qu'ils le réimposent, et ils tentent de le réimposer en considérant que c'est une invention, que c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une généalogie de ce terme-là. Ils ont oublié, et vous accusez l'Académie française et sa norme qui s'est instituée depuis le XVIIe siècle, d'avoir été le mur qui empêchait de comprendre cette généalogie du mot autrice qui remontait à beaucoup plus loin. Tout à fait. Il continue à être revendiqué au XVIIIe siècle, hein, notamment, y compris par des journalistes, des lectrices, etc. Sauf qu'il n'a plus d'histoire. On ne connaît plus son histoire. Elle a été déjà en 50 ans, elle a été effacée. Donc, on le revendique, mais en tant que néologisme. Et du coup, il perd en légitimité, ce qui nous ramène à cette question de l'importance de l'histoire, de la filiation, de la mémoire. Et il faut donc attendre les années 70 et même 80 du XXe siècle, et peut-être encore aujourd'hui, donc pour le voir ressurgir, réutiliser, parce qu'il y a une forte charge symbolique à le réimposer dans le lexique commun. Oh, c'est même beaucoup plus récent. C'est encore plus récent. Ouais, on continue, on ne perd jamais sa trace. Hein, vraiment, on le retrouve. Il est encore fin du 19e, il y a une romancière, Marie-Louise Gagneur, qui interpelle l'Académie française et qui demande à ce qu'on parle des féminins comme autrices, comme écrivaines, etc. Au 20e, ça continue. Mais c'est vraiment finalement au 21e siècle. Hein, il y a peut-être 10 ans qu'on commence effectivement à se réemparer de ce mot, parce que maintenant on a connaissance de son histoire et qu'on voit bien que c'est aussi une question véritablement politique. Alors Corinne François Deneuve, vous travaillez sur le théâtre suédois et scandinave à la fin du 19e siècle en particulier, et on retrouve dans votre travail évidemment trace de celui qui est le plus connu, à savoir Strindberg, dont on a déjà parlé hier pour sa fameuse phrase sur l'infériorité des femmes, qui pense que la perte sanguine de la femme la rend physiquement et intellectuellement inférieure à l'homme. Et ce Strindberg, il a réussi à éclipser dans cette histoire littéraire de la naissance de cette percée dramaturgique, pourrait-on dire, des auteurs scandinaves à la fin du 19e siècle. Eh bien, il a réussi à effacer non pas Ibsen, qui lui est connu encore aujourd'hui, mais certaines des autrices sur lesquelles vous travaillez, comme Anne-Charlotte Leffler, que vous publiez donc chez Garnier, son théâtre, et que vous montez également, et vous mettez en scène parfois. Alors, vous expliquez qu'elle est née la même année que Strindberg, en 1849. Elle vivra moins longtemps que lui, parce qu'elle mourra donc à 43 ans en Italie, mais néanmoins, cette Anne-Charlotte Leffler est une auteur de théâtre, une autrice de théâtre aussi célèbre à un moment que Strindberg, et elle va être progressivement effacée des histoires littéraires du théâtre suédois. Alors je ne sais pas si tout est la faute de Strindberg, on aurait bien envie peut-être de lui faire porter le chapeau, tellement il a pu être désagréable, en particulier envers les femmes, mais il a une attitude très ambiguë envers les femmes. Il y a en effet ce que vous avez cité, mais il y a d'autres moments de sa production en fait où il est beaucoup plus positif. Disons que, alors autant on peut chercher la petite sœur de Balzac ou la petite sœur de Shakespeare, et moi j'ai cherché en effet les petites sœurs de Strindberg, qui étaient en effet peut-être ses grandes sœurs, puisqu'elles étaient nées en même temps. Vous avez cité les fleurs, mais c'est la plus visible des invisibles. Il y a aussi Alfida Grell et Victoria Benedictsson. Alors pourquoi ont-elles disparu? D'autant en effet qu'elles avaient plus de succès que Strindberg de leur vivant. Et surtout dans leur propre pays. Surtout. Et alors Strindberg a obtenu une aura internationale alors qu'elle peut-être pas. Mais alors c'est peut-être ça l'explication. C'est-à-dire que Strindberg n'était pas prophète en son pays, mais prophète en France, en Allemagne, et surtout il était traduit et il était représenté ailleurs, ce qui n'était pas le cas de Leffler, Agrell, Benedictsson, qui étaient beaucoup moins mobiles, peut-être en raison de plein de choses que souvent on avance en parlant des femmes, une sorte de plafond de verre, ou je ne sais pas, de timidité, ou de manque de possibilités aussi, même si Leffler est allé faire un certain nombre d'enquêtes. Donc je pense que paradoxalement, le fait que Strindberg ait été reconnu à l'étranger et non pas dans son pays, de son vivant, a fait qu'il a pu avoir une postérité qui n'a pas été celle de Leffler, Agrell et Benediction, qui n'ont pas réussi à être traduites, à être jouées en dehors de la Suède. Elles le sont aussi grâce à vous, maintenant. Alors oui, mais je dois quand même... Avec le théâtre incomplet de Leffler chez Garnier. Tout à fait, mais je dois quand même souligner tout le travail, en effet, de mes collègues scandinaves qui, dès les années 70, en fait, ont vraiment refait une histoire littéraire qui voulait justement sortir ces invisibles de la chape de plomb qui était tombée sur elle, avec cette idée que les anthologies littéraires suédoises, et c'est paradoxal quand on parle de la Suède, pays de parité, pays d'égalité, avaient été écrites par des hommes qui, en fait, avaient laissé de côté la plupart des femmes, sauf Victoria Benediction, parce qu'elle avait écrit un journal intime. Voilà. Et ça, c'était féminin. Bien sûr, parce que ça, c'est autorisé à une femme d'écrire un journal intime et d'avoir des relations épistolaires, c'est aussi très très bien vu. Et d'autant que Victoria Benediction, d'après ce que j'ai lu chez vous, a eu un destin tragique, elle s'est suicidée, cela donne aussi encore quelque chose de plus romantique à cette figure fin 19e siècle, parce qu'effectivement, c'est une femme qui a souffert, et donc on l'a mise à part de ce trio que sur lequel vous avez vous-même travaillé. Mais revenons par exemple à Anne-Charlotte Leffler, Corinne François Denève. Vous nous expliquez très bien que la première pièce qu'elle publie, le premier texte qu'elle publie est publié sous un pseudonyme masculin, que la deuxième est publiée anonymement, que ça a énormément de succès et que ça n'est qu'au troisième, à partir du moment où elle ose signer de son propre nom, qu'on va considérer, en particulier Ibsen, en particulier Strindberg, que, disons, c'est moins bon que n'importe quelle autre pièce écrite par un homme. Alors, de toute façon, il y a cette pratique du pseudonyme qui n'est pas propre ni à Leffler, mais à beaucoup de femmes qui écrivent. Hein. Et elle publie, en fait, sous un pseudonyme parce que c'est une femme mariée et qu'elle ne veut pas, en fait, que son mari, qui est un fonctionnaire de la royauté suédoise, soit embêté par ses petits camarades si on s'aperçoit qu'il a une femme qui écrit. Et pour le coup, en effet, son nom va apparaître sur ses ouvrages, mais considérons quand même que c'est son nom de femme mariée, c'est Madame Edgren, et non pas son propre nom. Et en fait, justement, tout au long de sa carrière, elle va essayer de retrouver son nom, et pas seulement celui de ses maris. Et évidemment, Strindberg, lorsqu'il la critique, l'appellera toujours Madame Edgren, qui est une sorte de façon de un petit peu la minorer et la renvoyer à son statut de femme mariée, et pas du tout d'autrice. Et vous dites que d'ailleurs, elle était plus ou moins exécutée publiquement par une préface dans laquelle elle était citée sous ce terme par Strindberg, et néanmoins elle va faire son chemin, devenir vraiment une autrice célèbre dans tout un tas de domaines de la littérature, pour être ensuite totalement oubliée. Oui, c'est quelqu'un en fait de très attachant, en ce sens qu'elle a fait des pièces de théâtre, mais aussi beaucoup d'essais, des romans, des nouvelles, qu'elle participait aussi beaucoup à la vie publique de son temps, prenant position sur la question de la prostitution, des choses comme ça. Mais dès la fin de sa vie, en fait, elle s'aperçoit qu'on commence à ne plus parler d'elle parce que Strindberg l'efface. Mmh. Alors, il y a peut-être aussi la question... que la Suède est un petit pays et qu'on peut dire en fait que c'est peut-être une langue minoritaire, une littérature minoritaire. Et là, il y a peut-être une question d'économie, c'est-à-dire il faut choisir. On ne peut pas avoir plusieurs grands auteurs, donc on va choisir Strindberg. Pourquoi Strindberg aussi? Parce que c'est un très bon publiciste de lui-même. Alors que Leffler, en fait, et les autres femmes étaient, n'ont pas participé à leur propre légende. Comme Strindberg, en fait, dont on a en plus publié la correspondance. Donc, voilà. God afton, flicka lilla vän, förlåt jag gör omak, och än en gång besvärar dig, ty kärlek är orsak. Jag tror du icke aktar på, om du en vaken stund skall få, för att få tala med den här, som har dig hjärtligt kär. Är icke du min lilla vän, jag dig visst älskat har. Du aldrig ur mitt sinne går, så länge liv finns kvar. Var gång jag tänker upp på dig, så röres blodet du. gång jag dina ögon ser, mitt hjärta mot dig ler. Nu frågar jag dig än en gång, mitt lilla hjärtekorn. Har du en annan i ditt sinn som du tycker om? Au point où j'en suis de ridicule dans la prononciation des langues étrangères, je peux me permettre de dire que c'est Good Afton, Flika Lila, qui veut dire bonsoir jolie jeune fille, c'est cela, je parle sous votre contrôle, Corinne François Deneuve, interprété par Astrid Pullard, une chanson d'amour suédoise de la fin du 19e siècle, en l'occurrence, dont on parle avec vous, mais également d'autres sujets avec Christine Planté et avec Aurore Evin. Christine Planté, qu'a fait l'émergence de l'arrivée en France, difficile, lente, avec beaucoup de résistance de l'histoire du genre, justement, pour la reconnaissance ou la réévaluation ou la nouvelle vision, pourrait-on dire, de cette histoire littéraire qui avait occulté souvent dans beaucoup de pays les écritures des écrivaines, des dramaturges, des autrices des siècles passés. La notion de genre qui arrive donc en France plus tard qu'elle ne se développe dans les pays anglo-saxons permet de poser les mêmes questions un petit peu autrement et peut-être de sortir de la répétition et de la répétition de l'amnésie et de la perte, puisque l'approche en termes de genre revient à se dire qu'il n'y a pas un problème avec les femmes qui seraient des êtres particuliers, particulièrement affligés au regard de l'humanité, mais qu'il y a des relations culturelles, sociales, symboliques, qui entre hommes et femmes, masculins et féminins, qui expliquent la position de toutes les œuvres et de tous les êtres. Et donc, on ne sortira pas des stéréotypes, de la minoration, du mépris pour les femmes, seulement à répéter ce que l'on fait pratiquement à chaque génération, qu'il y a eu des femmes admirables, qu'elles ont écrit, qu'elles ont joué un rôle, si on ne s'interroge pas sur leurs relations avec leurs contemporains, sur les échanges, sur les conflits, sur les enjeux de pouvoir. Et donc, il me semble que c'est de ce côté qu'on peut espérer un jour sortir lentement d'une histoire qui ignore, minore les femmes ou les assigne à catégorie, en se demandant comment à la fois la littérature est traversée des rapports de domination, pas seulement, mais beaucoup de domination entre hommes et femmes, mais aussi comment la littérature parfois les modifie. C'est quand même la littérature un lieu où on s'est beaucoup interrogé sur les relations, sur les rôles, sur les normes, et parfois les raisons qui font que des femmes sont mal connues, rejetées ou inacceptables, c'est parce qu'elles interrogent trop fortement les hiérarchies en place. Pour le 19e siècle qui m'est cher, c'est évident pour George Sand, aussi pour Madame de Staël. Voilà. Donc réfléchir en termes de genre, c'est considérer cette dynamique et cette hiérarchie, l'ensemble d'une structure qui fait que, par exemple, on va penser que le grand roman historique, le roman de mœurs, est un genre masculin, mais que le roman sentimental est un genre féminin. Puis quand on s'enfonce dans la réalité des pratiques, on s'aperçoit qu'il y a des hommes qui ont écrit des romans sentimentaux, il y a des femmes qui ont écrit des grands romans historiques ou des romans de Le naturalisme est masculin et le romantisme serait féminin, mais on voit bien que ça ne colle pas si on veut imposer cette norme là, par exemple. On voit que ce sont toujours des enjeux qui dépassent la littérature et qui simplifient et réduisent la complexité des œuvres. Alors, il est vrai que pour la France, la production réaliste et surtout naturaliste est massive, massivement dominé par les hommes, au point que pendant un temps, on a pu être tenté d'adhérer à l'idée d'un naturalisme masculin, jusqu'au moment où des redécouvertes, des recherches acharnées montrent que dans le concret de la vie littéraire, il y avait aussi des femmes dans ces courants-là. Et on s'aperçoit à l'inverse que l'idée que le romantisme serait féminin, c'est une idée anti-romantique et polémique qui surgit surtout à la fin du siècle dans un moment de réaction. Il suffit de réécouter par exemple la discussion qu'avait eue, et on l'a diffusée il y a très peu de temps dans la Fabrique de l'Histoire, dans la rubrique c'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, qu'avait eu avec un journaliste masculin, Marguerite Durand, au moment du lancement de son journal La Fronde, où elle explique, ben oui, on a des critiques littéraires femmes, on a des critiques des journalistes politiques femmes, etc. Il n'y a pas de raison que dans tous les domaines de la vie publique ne soient pas intéressés, n'intéressent pas des femmes qui puissent ensuite en faire le compte-rendu, en l'occurrence Christine Planté. Oui, absolument. Évidemment, La Fronde est un moment important pour rebattre les cartes et affirmer l'existence, la possibilité, les capacités des femmes, en même temps au prix d'une séparation. C'est-à-dire, ouais. Par exemple, si on regarde l'immense champ de la production journalistique si importante au XIXe siècle, on s'aperçoit que les femmes sont confrontées à deux solutions. Soit essayer de s'imposer, de se faire entendre dans un monde mixte, c'est-à-dire dominé par les hommes, qui est celui de la grande presse. Et là, il y a quelques femmes qui accèdent, mais très difficilement, souvent sous signature masculine ou pseudonyme masculin. Ou bien faire plus rapidement la démonstration qu'elles peuvent écrire de tout, sur tout et fort bien, en se créant un espace à soi, La Fronde, où tout, absolument tout est fait par des femmes. Et pas une chambre à soi comme Virginia Woolf. Mais au risque d'être ensuite classé à part dans les histoires de la presse, de la littérature et de la culture. Et donc, il y a La Fronde, on sait que ça existe, cela ne rentre pas dans l'histoire de la culture et de la presse, ce qui est évidemment un inconvénient très lourd dans la durée. Et en plus de l'histoire du genre, il y a l'émergence récente, Aurore Evin, de ce qu'on appelle, donc d'un terme américain qui s'appelle l'agency, mais qui est la capacité d'agir, par exemple, avec cette idée, effectivement, que ces femmes, ces autrices, n'auraient pas été que des femmes qui subissaient une domination masculine, mais qu'elles avaient la capacité d'agir et de transgresser justement les normes qui leur étaient imposées. Vous citez sur votre site que je conseille, où vous travaillez, vous montrez la totalité de travail de metteuse en scène, de comédienne et de chercheuse sur la question du terme d'autrice, par exemple, cette madame de Beaumère qui dit « J'adopte le nom d'autrice et celui d'éditrice. En effet, mademoiselle, auteur et éditeur ne conviennent point à des femmes. Il semble que les hommes aient voulu nous ravir jusqu'aux noms qui nous sont propres. » Et donc, on voit bien qu'il y a une discussion, une capacité de se dire « Allez, je prends en charge quelque chose pour pouvoir justement montrer que nous ne sommes pas là simplement pour subir des normes qui nous sont imposées par les hommes. » Oui, tout à fait. Nos représentations, effectivement, sont chargées de stéréotypes liés à la construction des genres. Et quand on s'aperçoit, et souvent en plus, on a l'impression que l'Ancien Régime va être la pire période. En fait, on s'aperçoit que déjà, bien avant, on croit toujours être les premières à revendiquer des choses, qu'en fait, des femmes, effectivement, très actives au XVIIe, XVIIIe, ont déjà revendiqué. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée d'ailleurs avec la question des autrices de théâtre, hein, c'est que le théâtre a été construit comme un genre quand même très masculin, hein, c'était un peu le genre mâle, hein, on disait. Et en fait, on voit quand on creuse qu'il y a eu des femmes qui ont écrit des pièces, qui ont été jouées à la Comédie française dès le XVIIe siècle, qui ont été traduites dans toute l'Europe comme Marianne Barbier, et qui étaient un peu des Amazones de lettres, hein, à se positionner comme des Amazones de lettres. Et elles ont écrit de la tragédie. Ça leur a été notamment reproché au XVIIIe siècle, quand on essaye du coup de commencer à cataloguer les femmes du côté de la tragédie ou de la comédie, etc. Oui, et puis il y a ces dames que vous citez de l'Assemblée nationale en 1792 qui ont cette phrase magnifique. Bon, malheureusement, ça ne sera pas adopté par l'Assemblée, mais le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles, en l'occurrence. Bon, c'était une belle requête, mais qui n'a pas été suivie d'effet pendant la Révolution française. C'est ce qui vous intéresse aussi, je pense, Corinne François Denève, cette capacité d'agir de ces autrices sur lesquelles vous travaillez à la fin du 19e siècle suédois et sur toutes ces autrices scandinaves de théâtre. Parce que, effectivement, elles ne se laissent pas faire. Elles vont avoir un destin où elles vont prendre en main leur leur propre destin. En l'occurrence, Anne-Charlotte Lefleur, dont on parlait tout à l'heure, va partir en Italie, divorcer, avoir un enfant avec un noble italien, quitter son propre milieu d'une certaine façon, où elle était reconnue, et tenter une nouvelle vie qui ne durera pas très longtemps parce qu'elle mourra assez rapidement après. Oui, en un sens, ce sont aussi des activistes. Alors, vous avez cité ces choix de vie de Lefleur, alors qu'on pourrait qualifier en même temps de féminin, parce qu'elle part par amour en Italie, et si elle meurt prématurément, c'est justement d'une grossesse qui se termine très mal. Donc bon, mais en tout cas, ce sont des femmes qui se sont engagées dans des clubs qui jusque-là étaient très féminins, qui ont fait des salons sur le modèle français, en fait, où on discutait d'idées, donc qui ont voulu en effet agir sur leur société. Mais elle ne voulait pas se qualifier de féministe, par exemple. Tout en se disant, en effet, pas féministe. Bon, le terme n'est pas tout à fait, de toute façon, accepté et entré dans le vocabulaire à l'époque. Peut-être amie des femmes et tout ça, mais... Femme dévouée à la cause des femmes. Voilà. Pour pas sans doute être mise dans des catégories, ce qui est un signe d'indépendance, en fait, tout à fait intéressant aussi. Et pour le coup, pour rebondir sur ce que disait Christine tout à l'heure, Anne-Charlotte Lefleur et Bennedickson, lorsqu'on les lit un petit peu en France, c'est les nouvelles, c'est pas les pièces, on les annexe, en fait, à l'école naturaliste et à l'école réaliste. Donc là, pour le coup, ce serait féminin, parce que la femme est à même de regarder la réalité du monde, tandis que l'homme, lui, plane dans la poésie et l'azur. Donc là, il y aurait une petite différence peut-être culturelle, ou parce que c'est peut-être juste de la paresse de la part de la critique française qui annexe au réalisme, peut-être un petit peu par opportunisme, leurs écrits. Et puis, il y a toujours cette difficulté, Christine Planté, à coller des étiquettes sur tel ou tel, à minorer un genre littéraire pratiqué par la même personne et qui ne fait pas la différence entre tout ce qu'elle écrit, par exemple. Vous expliquez dans la postface de La petite sœur de Balzac, republiée il y a 4 ans maintenant, vous expliquez combien vous avez redécouvert depuis quelques années le fait que Louise Michel n'était pas que l'activiste que l'on connaissait, qu'elle n'était pas que la femme politique, mais qu'elle était une écrivaine à plein titre. Et cela, évidemment, on ne le savait pas, ou on ne voulait pas le savoir, ou parce qu'on ne comprenait pas comment elle pouvait être l'une et l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Absolument. Pour Louise Michel, il y a une œuvre littéraire très très importante, extrêmement multiple, dont je me suis demandé comment j'avais pu à ce point l'ignorer. Et en effet, parce que s'imposait d'abord la figure de la militante ou de la Vierge Rouge. Alors, les catégories et les classements qui sont en même temps nécessaires pour que la littérature circule et nous parvienne, sont contraignants et appauvrissants pour tout écrivain, quel que soit son sexe et son genre. Il est vrai que pour les femmes, la contrainte est particulière et les réductions ont lieu d'autant plus vite que les stéréotypes pèse et les hiérarchies aussi. Mmh. Donc on acceptera mieux une femme qui écrit dans des genres réputés féminins, bon, on a déjà évoqué le journal intime, la correspondance, qu'une femme qui veut s'imposer avec une épopée, une tragédie ou un essai politique. Et on acceptera aussi à l'intérieur d'un même genre, plus facilement, une femme qui met en avant des qualités réputées féminines, la sensibilité, le détail aux petits faits vrais, le flux, etc., qu'une femme qui a, par exemple, de grandes qualités analytiques et argumentatives. Et pourtant, il y en a à toutes les époques. Donc ensuite, cette hiérarchie des genres, il importe de voir comment elle agit, comment elle se reconduit. Parfois, les femmes en jouent aussi. Hein. Par exemple, Constance de Salme, qui est une grande figure féministe, enfin pré-féministe, le mot n'existe pas alors, du tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, qui a écrit une très belle épître aux femmes, qui est vraiment un discours d'affranchissement adressé à ses contemporaines, explique très bien elle-même comment elle a voulu s'imposer dans la vie littéraire du temps en essayant de se glisser dans les normes du moment en écrivant 24 heures d'une femme sensible. Et là, elle fait tout ce qu'il faut faire, un roman épistolaire, des notations fines. Et c'est l'agency dont on parlait tout à l'heure, c'est sa capacité d'agir, de se couler dans un moule qu'on lui impose pour pouvoir passer ses propres idées d'une certaine façon. Absolument. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas sans risque, c'est-à-dire que l'opération a tellement bien fonctionné que le piège de Fémina se referme peut-être et à son époque et aujourd'hui dans les rééditions qui ont eu un réel succès de ce roman sur le personnage. Mais en tout cas, cela montre que certaines femmes en ont conscience, le maîtrisent et en jouent, d'autres non. Beaucoup en sont victimes, tout simplement. Et parmi les qualités qui ne sont pas aisément reconnues aux femmes, il y a celle d'audace, d'invention, de rupture. C'est peut-être dans ces domaines, qu'ils soient politiques ou formels, que les femmes sont les moins aisément acceptées et transmises. Mais il y a tout de même un grand espoir, expliquez-vous, et je pense que vous êtes toutes les trois ici pour en témoigner. C'est que quand on a des étudiants ou des étudiantes face à soi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple que ça n'était il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est-à-dire que cet intérêt de jeunes étudiantes et de jeunes étudiants pour ces écrivaines du passé est beaucoup plus sensible, beaucoup plus affirmé, et que vous avez l'impression qu'on peut développer de vraies recherches aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas possibles ou très empêchées il y a deux ou trois décennies, Christine Planté. Il y a un intérêt en effet réjouissant, et particulièrement depuis quelques années à la faveur de l'onde de choc de MeToo. Là, il y a un phénomène tout à fait contemporain. On a la chance d'avoir beaucoup plus d'informations, de textes et de travaux à disposition, y compris grâce aux nouvelles technologies. Grâce à Erasmus, grâce au mouvement des étudiants et des étudiantes dans d'autres pays qui peut-être réadaptent des visions qui sont développées dans d'autres universités. Dans notre propre université aussi. Absolument, grâce aux curiosités des étudiantes étrangères et étudiants étrangers qui venaient chercher en France des cours sur les femmes qu'ils ne trouvaient pas pendant un temps. En revanche, pour le moment, dans les obligations canoniques et institutionnelles, la part des femmes est encore faible. Et l'obligation, je dirais non seulement la part des femmes, mais l'obligation de réfléchir à ces questions. Je ne sais pas s'il faudrait des quotas de femmes dans les programmes. Il faudrait qu'on ne fasse jamais un programme de concours, un manuel, sans se demander s'il y a des femmes et s'il n'y en a pas, pour quelles raisons il n'y en a pas. Et on est encore très loin pour le moment de se poser les questions de cette façon. Oran Révin, grâce à vos mises en scène, ça participe aussi de cette prise de conscience aussi, j'imagine. C'est-à-dire que vous utilisez divers registres de popularisation de ces questions qui vous intéressent, le registre savant par des articles savants, mais aussi ou des livres savants, mais aussi effectivement la publication chez Garnier du théâtre d'Ancien Régime des femmes, mais également des mises en scène qui permettent de faire connaître ces paroles-là. Oui, c'est essentiel parce que là, on est face à des œuvres du spectacle vivant. Donc, la question de la performance est essentielle. Le risque aussi, c'est de transformer ces œuvres, et notamment ces pièces de théâtre, en objets scientifiques, en curiosités scientifiques. Oui, comme on a voulu le faire au moment du bicentenaire de la Révolution française, où on ressortait des œuvres qui étaient très, très, très, très, très mineures, enfin, supposées mineures ou pas très intéressantes du répertoire de ces années-là, simplement parce qu'elles dataient de la Révolution française et elles pouvaient ne pas être remise en scène, et c'était pas plus mal d'une certaine façon. Tandis que là, parmi ces œuvres d'autrices, de femmes pour l'Ancien Régime et pour le 19e, en France et à l'étranger, hein, comme Corinne François Deneuve nous le montre, il y a des œuvres véritablement qui sont de grande valeur, hein, qui méritent, mais qui ne pourront effectivement être redécouvertes que sur la scène, que en performance. C'est ce que vous faites aussi, Corinne François Deneuve, avec la compagnie que vous dirigez. Tout à fait. Alors, de façon beaucoup plus modeste que Aurore Evin, puisque nous, c'est surtout des séries de lectures. Donc, il y a vraiment cette idée, en fait, de mettre en voix. Ces voix, en fait, on ne les a pas entendues pendant longtemps. C'était des voix qui étaient destinées, justement, à être entendues et portées sur une scène. Donc, nous nous sommes donnés comme défi. Anne-Charlotte Lefleur a fait 13 pièces, en fait, dans sa courte vie. Faire lire ces 13 pièces, en fait, nous sommes en somme à 4 grâce au soutien de la Bibliothèque Nordique et j'en prends l'engagement, on les fera toutes les 13. Et promis. Les prochaines, c'est pour quand ? Alors c'est le 11 mars à la Bibliothèque Sainte-Barbe à 20h30. En fait, ça s'appelle Un ange descendu du ciel et c'est l'histoire d'une petite jeune fille à son premier bal qui se rend compte que ce n'est pas si romantique que ça, mais c'est que plutôt un marché aux bestiaux. Et pour vous, Aurore Evin, la prochaine mise en scène, c'est ? C'est Le Favori donc, de Madame de Villedieu, une pièce qui avait été jouée en son temps par Molière et à Versailles, devant Louis XIV, en 1665, donc qui va être reprise au Théâtre de l'Épée de Bois, Cartoucherie de Vincennes, du 9 au 19 mai. et puis une prochaine pièce qui va être montée l'année prochaine à la ferme de Belle et Batée à Guyancourt, La Folle Enchère de Madame Ulrich. Merci à toutes les trois d'être venues pour ce débat autour des écrivaines du passé, et puis on peut saluer tout de même le travail magistral que fait vos éditeurs, votre éditeur, parce que vous avez le même éditeur toutes les trois en l'occurrence, chez Garnier, donc pour le Théâtre de Femmes de l'Ancien Régime, ou encore le Théâtre Complet d'Anne-Charlotte Lesfleurs. Et pour vous, donc Christine Planté, votre travail chez Garnier, c'est... La correspondance à venir de Marceline Desbordes-Valmore, qui est une poète du 19e siècle qu'on n'a pas fini de redécouvrir. Merci encore. Demain, nous conclurons notre série d'émissions consacrée justement à cette question des femmes artistes avec une chanteuse tout à fait remarquable, là aussi malheureusement oubliée, alors qu'elle est morte il y a peu de temps. Elle était une des concurrentes, pourrait-on dire, d'Edith Piaf dans l'après-guerre français, mais elle a eu une histoire tout à fait remarquable qui nous sera racontée dans le documentaire de Claire Zalamansky et de Séverine Cassard. Un extrait. C'était une chanteuse qui aimait les mots autant que les musiques et qui chantait les deux et qui essayait de faire sortir l'âme d'une chanson. Serge Lama. C'est-à-dire qu'elle n'est pas loin de la diseuse quand même à ce niveau-là. Les interprètes de l'époque s'emparaient des chansons parce que tout le monde chantait les mêmes chansons. Piaf, tout le monde montant, tout le monde reprenait les grands chanteurs. Des fois, il y avait 20 versions d'une chanson. Étoile des Neiges, je ne sais pas combien de versions il y a eu, mais c'est absolument gigantesque. Mais Étoile des Neiges, c'est pas une chanson qu'aurait chanté René, par exemple. Mais elle chantait des chansons, plus comme d'aventure, c'est typiquement le style de chanson qu'elle aimait chanter, quoi. Moi, ce qui me touche dans vos interprétations, il y a un certain classicisme qui fait que c'est indémodable, bien sûr, mais il y a une espèce de très, très grande pudeur dans les moments dramatiques. C'est là où les gens qui parlent de chanteuses réalistes, c'est vraiment le contraire de votre métier, parce que vous avez plutôt, même si vous pouvez donner du volume, donner de la puissance, vous avez plutôt tendance à déchanter qu'à chanter. Oui, j'apprécie ce que vous venez de dire, effectivement. Je n'essaie pas d'exprimer à 100% les choses, les sentiments. Ça doit venir naturellement. Si un texte est bon et si le sujet vous touche, automatiquement vous le retransmettez. C'est toujours la même chanson, ô mon amour, que je fredonne. Tout ce que j'ai, je te le donne. Nos cœurs battent à l'unisson, sur les quais, le long de la Seine, à Montmartre, près des moulins, mes souvenirs entrent en scène. Bonjour Paris des assassins, bonjour Paris des midinettes, des filles des mauvais garçons, des bistrots et des balmusettes. Si je te dois d'être poète. Demain, donc, le documentaire qui conclut notre série, donc, documentaire sur la très grande artiste qu'était René Lebas. Il est signé Claire Zalamansky et Séverine Cassard. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture et à la page du jour, vous trouverez évidemment la bibliographie de nos invités du jour. Cette émission, comme toutes les autres, a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Alice Seyette était avec nous à la technique et Thomas Duterte à la réalisation.